Vous écoutez Amandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, diffusé à CKUT chaque mercredi 19h au 90,3 FM. Alors, pour poursuivre à la section francophone, aujourd'hui, nous traiterons de la situation politique post-électorale au Mali plus en profondeur avec notre invité qui est avec nous aujourd'hui, Aziz Salmon Fall, qui est politologue, panafricain, militant, membre fondateur du GRILA. Il enseigne les relations internationales, la science politique, et il est aussi, entre autres, président du Centre internationaliste Ryerson, le CIRFA. Bonjour, M. Fall, et merci d'être parmi nous à Amandla aujourd'hui. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Merci. Alors, pour poursuivre avec le Mali, de manière géostratégique, comment on peut évaluer la situation politique actuelle? Ben, écoutez, jusqu'à présent, ce sont des élections qui ont été, non pas bâclées, mais qui se sont faites sans que les conditions soient totalement réunies. Mais il faut quand même saluer le fait que le scrutin se soit déroulé de façon relativement exemplaire, malgré quelques anicroches. Bien sûr, ceci correspond à la volonté institutionnelle des forces stratégiques, c'est-à-dire qu'après un coup militaire, il s'agit très rapidement de restaurer un semblant de système institutionnel. C'est un peu l'approche de la Banque mondiale et des États-Unis. La France était bien sûr très intéressée à ce que cet ordre survienne. Bien sûr, s'il n'y a pas de contestation électorale, ce qui est relativement imprévisible, et s'il n'y a pas de coup de style attentat terroriste pour perturber, il est probable que le président va devoir fonctionner sous le même système que ATT a eu à fonctionner, c'est-à-dire de façon clientéliste, en essayant d'être au-dessus de la mêlée et d'avoir le plus grand nombre de démarches consensuelles, c'est-à-dire en fonctionnant avec les grandes familles politiques et les grandes familles religieuses et ethniques du pays, et de façon à garder la cohésion et la réconciliation nationale. Mais en faisant cela en même temps, malheureusement, ça fait la gestion de la crise, mais ça crée une sorte de statu quo où la construction d'un projet de société malien lui-même est repoussée et l'ordre narco-salafiste au nord et djihadiste n'ayant pas été réglé, la présence très musclée de la France et des pays cooptés de la sous-région fait qu'en réalité, on agit une situation qui reste toujours hypothétique et surtout pendante de ce qui va advenir en Algérie dans les prochains mois. Donc, vous avez des doutes quant à la légitimité de ce processus et de ses résultats à venir? Peut-être pas du résultat comme tel. Comme je l'ai dit, on s'est empressé avec grand renfort d'éléments technologiques, par exemple le vote biométrique, etc., à enregistrer des électeurs. On aurait pu probablement, en repoussant le scrutin, avoir quelque chose de plus légitimant, c'est-à-dire une plus grande proportion de la société qui voterait. Mais il faut dire que ce qui est important, c'est que la classe malienne politique se réconcilie après sa défection et son éclatement. Mais surtout, il faut revoir dans quelle mesure cette classe qui fait partie de la crise, par son caractère prébandier, par le fait que l'État malien doit être reconstruit, il a été complètement déconstruit par les plans d'ajustement, mais aussi la cooptation par les manœuvres de l'Africom et tous ces systèmes de manœuvres dans la lutte contre le terrorisme. Donc il y a la reconstruction d'un État malien, la nécessité de reprendre les travaux d'infrastructure. Actuellement, tous les Maliens, qui sont un peuple très pieux, essayent de gagner du temps, prient Dieu. On est à une période de Ramadan, c'est aussi la période de soudure parce qu'il faut planter, c'est la période de sécheresse et en même temps la période d'hivernage qui commence. Et donc c'est clair que tout ceci fait qu'une bonne portion de la classe rurale n'a pas eu à participer comme elle aurait dû être. Et le Mali aura beaucoup de mal à se relever sans la perfusion des capitaux extérieurs. Et c'est là qu'un homme comme Ibeka, qui risque probablement d'arriver en tête des suffrages, va être important pour la perspective des financements, puisque c'est quelqu'un qui a fait partie du sérail des cercles de financement extérieur, qui est en très bon terme avec les pays de la Banque islamique de développement, avec la Banque mondiale, etc. Donc il est probable que la gestion de la crise sur un modèle entre ATT et Toumani Touré se fasse et continue. Quels moyens politiques seraient à mettre en œuvre, selon vous, pour bâtir une légitimité populaire au Mali? Bon, c'est sûr que pour nous qui avons des lectures plutôt progressistes, il faut bien sûr déplorer la fragmentation des forces de gauche et des forces authentiquement femmes maliennes, c'est-à-dire ceux qui se réclament de l'héritage de Modibo Keïta, des gens comme ceux qui luttent aujourd'hui, comme Aminata Traoré, comme Mariko, etc., qui sont relativement marginalisés dans la société, mais sont quand même très importants dans la population. Et donc, il faut non seulement une réconciliation, il faut poser un débat national de fond sur le type de projet de société que cette société veut vraiment construire. Or, s'il n'y a pas ce débat, il est clair qu'on va tout simplement rester dans le scénario que j'ai dégagé un peu plus tôt, c'est-à-dire une gestion de la crise sous la tutelle des institutions financières et du parrain français. Et or, il me semble qu'il faudrait réussir à dépasser cela. Il faut régler le problème, bien sûr, de l'irrédentisme à Mazir, parce que 4% de la population dans une zone avec une si grande turbulence, la présence de forces djihadistes qui ont leur propre agenda, mais soutenues par des agents extérieurs, notamment ceux-là même qui sont au sein de l'OTAN, c'est clair que tout cela hypothèque la cohésion sociale et politique. Mais pour l'instant, les Maliens ont le droit de rêver, ont le droit d'espérer que, comme c'est un peuple pacifique, c'est un peuple qui est uni, c'est une nation construite depuis longtemps, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas sortir de cette crise. Merci. Maintenant, si on se tourne vers la situation en Tunisie, quelle est la situation politique d'abord et l'impact des assassinats politiques récents qui ont eu lieu Oui, alors là, c'est une autre question qui nous touche beaucoup, autant Grilla que par beaucoup de nos camarades en Tunisie. Il y a eu récemment une veillée ici à Montréal pour notre camarade Mohamed Brahimi, qui est un député à l'Assemblée nationale constituante. C'est d'ailleurs un ressortissant de la région de Sidi Bouzid. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un des porte-parole du courant populaire, membre du Front populaire Tunisie. Ça, c'est une branche de la gauche tunisienne qui ne participe pas complètement au processus constitutionnel, mais qui en même temps fait partie de l'Assemblée constituante. Et donc cet assassinat, avec un scénario qui rappelle beaucoup celui du camarade Chokri Belaïd, a obligé les gens du Front populaire d'avoir une position beaucoup plus ferme. Donc on a une sorte de division, si je peux caricaturer rapidement la situation tunisienne. Le Front populaire, qui reste marginal, mais a une position très progressiste, considère que la Troïka, c'est-à-dire Nahda, le parti islamiste, le CDP de Marzouki et Takatol de Ben Jaffa, qui sont sortis des urnes, n'ont plus la responsabilité politique et morale de rester au pouvoir, que l'Assemblée constituante qu'ils devaient mener à terme doit être dissoute et qu'il appelle le peuple à observer une grande désobéissance civile qui a d'ailleurs commencé, ainsi qu'une grève générale qui a été d'ailleurs suivie par les syndicats cette semaine, et d'essayer de poursuivre ces luttes jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale constituante. Il faut dire qu'il y a à peine 10 jours, cette Assemblée nationale constituante a déposé déjà le projet de la Constitution. Cette Constitution est considérée par la gauche comme étant plutôt rétrograde et ne doit pas être soutenue. En même temps, et c'est là que c'est délicat, si cette Assemblée constituante est sabordée, il est clair que le pays peut rentrer dans une situation de crise très grave. Beaucoup plus grave que, comme je l'ai dit, aussi lié à la situation en Algérie, il y a eu, dans les dernières 48 heures, des attentats et des escarmouches à la frontière. Des soldats tunisiens ont été assassinés. Et donc, tout ceci vient non seulement montrer qu'il y a une frange salafiste très importante, mais d'autres petits groupuscules de type djihadiste qui commencent à se former dans ce pays, que Nahda, qui est au pouvoir, ne contrôle pas tout l'agenda politique, mais est blâmé pour avoir été en responsabilité de cet ordre. Et j'ai eu déjà à le dire dans cette émission, ce système de forces obscurantistes en Tunisie, en Libye comme en Égypte, font partie d'une stratégie globale de soutien des forces de l'OTAN, d'instaurer des régimes à caractère rétrograde, compatibles avec l'ordre néolibéral, mais surtout capables d'infléchir vers ce néolibéralisme les révoltes et les révolutions populaires. Donc, actuellement, à l'ordre du jour, les forces démocratiques, la société civile de Tunisie retient son souffle parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui veulent faire tomber la crise dans la fin d'une transition brutale. Et au milieu de cette transition, il y a une bataille au centre où le parti Nida Tunis, qui est une sorte de parti nationaliste de centre droit, occupe de plus en plus une part importante dans l'échiquier, veut aussi la dissolution de l'Assemblée nationale constituante et ajoute évidemment au tumulte de la crise qui ajoute ce pays pourtant très stable il n'y a pas si longtemps. Merci beaucoup, Aziz Salmonfall, pour cette entrevue. Alors, je rappelle que vous écoutez Amandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, diffusée à CKUT chaque mercredi 19h au 90,3 FM. Shati agalukuluk agalukan surulukuluk surulukan mayno kane surulukan gamu izai surulukana surulukana guna gawara jibishati guna gawara tabalan shati guna gawara harifut shati agalukuluk agalukana surulukuluk surulukana mayno kane surulukana surulukana Shati, I go gadon, I she dolan, I go gadon, I she tabahan, I she tabahan, damantigao, kabaka sirapte, damantigao, jira sirapte, I ne mama, I ne madi, ni kaiko, ni kawa demo. Tabonga suru, agatuku sinise, halsine suru, agatuku wanshe, irganda yak, hanga jarese, guna mekane, manti bonkane, guna putuo, manti waye, I ne mama, I ne madi. Civilisé, Irkanda, Aikanika, Dijedura, Aikanika, Rapper Seyu, Aikanika, Arsuka, Suga, Mani Fukanda Sara. Surulukana, mayno kane, surulukana, gawo isay surulukana, agalukuluk, agalukana, guna gawara, jibishati, guna gawara, tabalal shati, guna gawara, harifut shati, surulukuluk, surulukana, agalukuluk, agalukana, mayno kane, surulukana, gawo isay surulukana, surulukana, guna gawara, jibishati, guna gawara, tabalal shati, guna gawara, harifut shati, agalukuluk, agalukana, surulukuluk, surulukana, mayno kane, Shati guna gawara harifut shati harifut shati agalukuluk agalukana surulukuluk surulukana maino kane surulukana surulukana chesi l'homme qui n'est pas peur de l'ennemi mais de l'amour chesi plus fort que l'ennemi car c'est la connaissance la patience est un chemin Je suis l'enfant unique de mon père et de ma mère. La veine de l'homme se trouve dans la main de Dieu. Celui qui a besoin de clash n'a qu'à voir. Et non est-ce Babi Seyayo, hip-hop général. Celui qui a besoin de look ou rap n'a qu'à voir. Et non est-ce Babi Seyayo. Vous écoutez toujours Amandla sur les ondes de CKUT 90.3 et la pièce qu'on vient d'écouter s'intitule Kani de Feno S. Feno S, c'est un rappeur de Gao au Mali. Et c'est le premier rappeur, dit-on, qui a mis sa musique sur des vinyles. Et en fait, ça se retrouve. Vous pouvez retrouver cette musique sur un site web qui s'appelle sahelsounds.com. Il y a toute une catégorie de disques vinyles vieux et plus récents de musique africaine. Et comme je vous l'ai dit, la pièce qu'on vient d'écouter est de Feno S, la pièce Kani. Et vous écoutez Amanda, c'est tous les mercredis de 7 à 8 heures. Vous pouvez retrouver nos archives sur évidemment sur le site web de CKUT, mais aussi nous avons notre propre blog qui est adax.wordpress.com. Alors je vous l'appelle adax, c'est adax.wordpress.com. Et vous pouvez retrouver notre émission en podcast ou retrouver les meilleurs extraits de ce que nous avons diffusé au cours des dernières années. Et je crois que cette archive retourne plusieurs années dans le passé de notre émission. Une émission qui est diffusée sur les ondes de sécurité depuis plus de 27 ans. Mélanie. Oui, bonsoir. Pour poursuivre la discussion avec Jean-Marc Sobotte sur le Mali, les Maliens ont voté en grand nombre dimanche dernier, le 28 juillet, dans le calme relatif, en espérant tourner la page sur l'instabilité qu'a connu le pays dans la dernière année, du moins. Le nouveau président a un défi et son gouvernement d'instaurer la paix, surtout la paix au nord, de réconcilier le peuple Touareg, notamment. Jean-Marc Sobotte, est-ce qu'on peut essayer de voir les enjeux par rapport à la région nord du pays à venir? Oui, Mélanie, tu fais très bien de spécifier la date. C'est très important de préciser que c'est un scrutin dominical, comme d'habitude. Et Aziz Fall a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a relevé parmi les hypothèques la question de l'Azawad. L'Azawad, c'est cette partie qui est contrôlée par la rébellion Touareg et qui a fait l'objet d'une réaction assez curieuse de l'opération Serval. L'opération Serval, c'est cette opération armée de la France qui a drainé 4000 soldats français sur le sol pour aller chasser des islamistes que parfois on n'a pas vu. On n'a pas vu ces islamistes. Et puis jusqu'aujourd'hui, hein, les Maliens continuent de se dire, mais écoutez, on a chassé les islamistes, mais on ne les a pas vus dans le fond. Et puis où sont passés les chefs des islamistes et de toutes les manières? C'est la France qui informer le Mali, par exemple, sur la menace islamiste de ces islamistes qui voulaient prendre Bamako. Ce sont des informations. Toutes ces informations, il faut le savoir, venaient de la France. Et donc, du coup, quand l'opération Serval commence, l'opération commence, avance avec l'armée malienne. Arrivé à l'Azawad, les Français disent oh, arrêtez là. Donc ici, ne touchez pas, n'arrivez pas à l'Azawad. Waouh. Et puis quand même, quand le président Diomkounda Touré, celui qui a assuré Diomkounda Traoré, qui a assuré comme la transition, quand il dit, écoutez, on ne peut pas quand même faire les élections en juillet, c'est trop court. Et puis les gens de l'Azawad, on ne s'est même pas entendu sur la question du statut. Est-ce que ça va être une province? Est-ce que ça va être un État fédéré complètement? Est-ce qu'ils vont se détacher? Est-ce que nous allons rester un État unitaire? Donc tout ça, ce n'est pas réglé. Et puis, c'est une véritable inquiétude. La France dit, François Hollande dit, monsieur, on ne veut rien savoir, vous faites les élections et vous foutez la paix à l'Azawad. Et très curieusement quand même, il y a eu un scrutin qui s'est tenu là-bas. Et puis, dans une interview à Jeune Afrique, le gouverneur de cette province de l'Azawad, Adama Kamisoko, dit « Ouais, il y a eu des situations, le taux de participation était tellement faible, donc il y a eu des situations où dans des bureaux de vote, il y a eu un seul votant. Bon, ça veut dire qu'il y a plein de bureaux de vote où même le scrutateur n'a pas voté. Et puis, de toutes les manières, dans cette province, qui veille, qui surveille les élections? C'est pas l'armée malienne, parce que la France a dit, n'arrivez pas ici. C'est l'opération Serval. C'est les soldats français qui gardent cette partie. Donc, c'est complètement nébuleux, cette situation. Et, Aziz Fall fait bien de le relever, mais c'est complètement flou, cette affaire. On a l'impression que finalement, c'est l'Élysée qui contrôle les cartes. C'est l'Élysée qui sait ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il faut pas oublier que, J'ai vu des dépêches d'agence, des dépêches d'agence qui ont spécifié, qui ont dit que voilà, c'est le tout premier scrutin. Faut pas oublier que avant le coup d'État, en mars 2012, le Mali était le laboratoire de la démocratie. Les gens ont oublié ça. On en parle aujourd'hui comme si on sort de la nuit noire, l'obscurantisme le plus total, alors que dans les faits, c'était un exemple. C'était le quartier latin de la sous-région. Tout le monde admirait le Mali. Et puis, patatras, il y a un coup d'État, il y a des gens qui débarquent par-ci, on bloque les armées, on bloque les armes les armes que le général ATT, le président d'alors, avait commandé pour lutter contre une rébellion qui est née de l'opération United Protectors en Libye. C'est-à-dire que c'est toutes ces armes qui sont venues de la destruction de l'armée libyenne qui ont irradié le Mali, alors que même tous les présidents de la sous-région, notamment ATT, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a chassé par ce coup d'État, qui a dit, mais écoutez, si vous faites tout ce qu'on fait en Libye là, c'est fini. Nous, on est parti pour une déstabilisation définitive. Donc, je crois que c'est très important de dire que on sort d'un scrutin, on entre dans une période complètement floue. Donc, ça, c'est important de le dire. On ne signale même pas, j'ai parlé tout à l'heure de la situation humanitaire, j'ai dit 3,2 bébés sur 1000 par jour, selon Médecins Sans Frontières. Donc je pense que c'était important de le dire, et Aziz Fall a très bien fait de soulever le problème. So that wraps it up for us.